Chapitre 15. Une infirmière entra dans la chambre en s'excusant auprès du juge. « Je dois lui renouveler sa perfusion, sinon dans 5 minutes, on l'entendra crier à des kilomètres. » Lorsque l'infirmière fut sortie, Sonia reprit. « Vous avez vu cette fille? Elle ne casse rien, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-la moi 2 heures, et j'en fais une reine. » Je commence à mieux comprendre vos mobiles, mais pourquoi avoir tué les 2 jeunes filles depuis Ricard? Qu'est-ce qui vous a poussé? Mais je n'ai jamais voulu les tuer. C'est à cause de ce con d'Anatole, l'infirmier. Il m'a refilé un anesthésique mortel, mais il ne m'a pas prévenu qu'il fallait une assistance respiratoire. Moi, je voulais juste un truc qui les fasse planer pendant un moment, c'est tout. L'assassin, c'est surtout lui. C'est pourquoi je lui fais payer son erreur. Lui, oui, je l'ai tué pour de bon. C'était un ami, cet Anatole? Non, pas vraiment. Je l'avais rencontré sur les marchés dans les basses Alpes. Il m'achetait mes bijoux pour ses conquêtes. « Tiens, comme lui, là, » dit-elle en désignant Volpi. « Ah, vous connaissiez aussi le commissaire ?» s'étonna le juge. « Nous ne nous sommes vus qu'une fois, mais son personnage m'avait marqué. »« C'est le moins qu'on puisse dire, » déclara Volpi. J'avais fait connaissance de la petite Marie avec sa mère au magasin. Elles étaient venues pour choisir une bague pour l'anniversaire de la gosse. D'emblée, j'avais senti que cette petite n'était pas heureuse, mais qu'elle était mignonne comme un cœur. Elle était très heureuse de sa bague. Et je la revis quelques jours plus tard, car elle comptait s'offrir, dès qu'elle le pourrait, des boucles d'oreilles assorties. Voulant aller un peu trop vite en besogne, j'avais proposé de la lui remettre en attendant qu'elle pût me payer. Elle refusa catégoriquement. Question d'éducation, peut-être. Et l'ouvrier italien? Ah, celui-là, je le regrette vraiment. Ce n'était pas son jour. Il n'aurait jamais dû me rencontrer. Il m'avait vu prendre un soutif et une culotte de Magali pour avoir sa taille exacte. Il a voulu me coincer avant que je ne reprenne ma voiture, et ça m'a mal tourné. Je voulais juste qu'il me lâche, et je ne pensais pas que le coup sur la tête l'avait tué. J'ai regretté. Ce type ne m'avait rien fait. Il était juste là au mauvais moment. « Vous portiez une salopette ce jour-là ? » intervint Volpi. « Est-il futé, celui-là ? » ironisa Sonia. « Ah, quel dommage que je n'aime pas les hommes !» Pourquoi avoir emprunté la voiture de Valentin? Tout simplement parce que la mienne était en panne de batterie. Est-il exact que vous l'avez menacé de le faire chanter s'il révélait à qui il avait prêté sa voiture? Demanda Volpi. Le ventre de Sonia tressauta légèrement sous l'effet d'un rire étouffé. Mais qu'il est con, ce Valentin! Il prend pour argent comptant tout ce qu'on lui dit. Un moineau qui s'envole suffit à l'effrayer. Le juge reprit l'interrogatoire en main. Revenons à vos occupations, si j'ose dire. « Vous pratiquez des attouchements sur ces filles, » dit-il d'un ton affirmatif. « Absolument pas !» se récria Sonia. « Pour être clair et imagé, je dirais que ce qui est à l'intérieur ne m'intéresse pas du tout. Vous êtes bien un homme, va. Pour vous, le sexe se résume forcément à des appareils génitaux. Pourtant, sachez que pour beaucoup, les massages suffisaient amplement à leur extase. » Il y eut un moment de silence gêné dans cette chambre d'hôpital, silence troublé par les bruits de chariots dans le couloir et l'appel des infirmières. Le repas se préparait doucettement. Bon, eh bien voilà, laissa tomber le juge dans un soupir. Le greffier présenta à Sonia sa déclaration à dater et à signer. Elle refusa de la lire. Je vous fais confiance, dit-elle à M. Spinz. Vous avez une bonne tête. Je vous reverrai certainement quand vous irez mieux, ajouta le juge. Est-ce bien nécessaire? Dit-elle d'un ton désabusé. Nous nous sommes tout dit, non? J'ai de bonnes oreilles. « Vous savez, et faisait semblant de dormir. J'ai entendu les toubibs se concerter sur mon sort. J'ai les poumons foutus, le palpitant bon pour la casse, le foie dans un bocal d'alcool, et si je me remets sur pied, je n'irai de toute façon pas bien loin. Comme dit Aznavour, il faut savoir quitter la table. » Parvenus sur le parking, Cassard et Volpi brûlaient d'échanger leurs impressions sur cet interrogatoire dans lequel Sonny avait fait des aveux complets. « Qu'en pensez-vous, Volpi ? « Un beau gâchis, monsieur le juge. Cette femme a dû naître à l'envers. Elle a eu une enfance à l'envers, une vie à l'envers. Mal dans son corps, mal dans sa tête. Je crois que les psys vont se régaler avec elle. Quel beau sujet. Qu'entendez-vous par vie à l'envers? Elle a eu tout faux, cette pauvre femme. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, quoi qu'elle en dise. L'androgyne, c'est peut-être elle, finalement. Eh ben, bonjour les dégâts. Ah, je comprends mieux. « Eh ben moi, » intervint M. Spinz, « voulez-vous que je vous dise? Elle m'a fait de la peine, cette femme-là. »« Ouais, » maugréa Cassard, « on peut le voir comme ça. En tout cas, c'est bien triste. Mais vous, Volpi, vous êtes encore le seul à qui le crime profite, » plaisanta le juge. Suivant le regard du juge, Volpi se retourna. Magali était juste derrière lui, avec un charmant sourire, les mains derrière le dos, comme une petite fille modèle. Elle tendit la joue. « Allez, roulez jeunesse !» fit le juge Goguenard, en regagnant sa voiture avec le greffier. Le lendemain, Volpi enfuma le gardien en faction à la porte de la chambre de Sonia, sous prétexte de confronter le témoignage de Madame Magali Ginoux avec les déclarations de l'accusé. Magali répondait ainsi à la promesse qu'elle avait faite à Sonia d'aller la voir. Par discrétion, Volpi se planta devant la fenêtre de la chambre et contempla les toits d'Aix, le clocher de la cathédrale et le petit massif du Montaiguet en face. Pendant un moment, il entendit les deux femmes chuchoter avec de temps à autre quelques éclats plus forts. Enfin, Magali vint toucher le bras de Volpi. Elle avait les yeux légèrement rougis. « Voilà, nous avons fini. Elle est très fatiguée. » Ils firent leurs adieux de la façon la plus polie possible. « Ça va aller, commissaire ?»« Oui, ne vous inquiétez pas. Tout baigne. » Dans l'ascenseur, Magali éclata en sanglots. « Magui, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Qu'elle n'avait jamais aimé personne d'autre que moi, tu te rends compte ?»« Tu crois qu'elle était sincère ?»« Oh oui, malheureusement. » »« Et jusqu'ici, elle a essayé de te toucher ?» « Mais non, imbécile! Elle-même, c'est sentimental, pas sexuel. » Volpi caressa les cheveux de Magali pour la calmer. « Mais tu ne t'étais rendu compte de rien jusque-là. J'avais bien compris que je lui plaisais, mais je croyais qu'elle voulait me sauter. Mais ce n'est pas ça du tout, c'est de l'amour, du vrai. Tu vas comprendre, oui. Elle m'a dit des choses qu'aucun homme ne me dira, j'en suis sûr. Bon, écoute, ma grande, tu ne vas pas te rendre malade. Laisse passer le temps. » Et il fallut bien que Volpi accompagna Magali chez son père. Quand il les vit, ce dernier sortit sur le pas de la porte. « Ah, commissaire, vous savez ce qu'on dit chez nous. Bon chien, chasse de race. » Dès le premier jour où je vous ai vu, je savais qu'on en arriverait là. Mais vous êtes assez grands tous les deux pour savoir ce que vous faites, n'est-ce pas ?» Volpi ne répondit que par un sourire et remarqua Helmut Holz qui s'affairait dans le fond de la cour. « Vous voilà un nouvel ouvrier, monsieur Tonin ?» « Sans vouloir être méchant, mon neveu bosse un peu plus que ne le faisait son père. »« Quant aux idées, il en a. J'en ai. Magali aussi. Et je pense qu'on va s'en sortir. Je le sens. » Quelques jours plus tard, le médecin-chef de l'hôpital rameuta tout le monde. Sonia avait fait la veille un gros œdème pulmonaire, le cœur était très fatigué, et il ne donnait pas cher de la peau de la patiente. « Elle est dans un semi-coma, et nous n'avons pas réussi pour l'instant à stabiliser son état. » « J'ai bien peur que ce soit ses derniers moments. » Sonia s'éteignit en fin de soirée en présence du juge, de Volpi et de Magali, qui lui tint la main jusqu'au dernier instant. Dans l'ascenseur qui les ramenait au rez-de-chaussée, ils croisèrent des bénévoles qui venaient divertir les petits malades. L'un d'eux était déguisé en polichinelle avec une grande fraise, une grosse bosse et un nez crochu. Le sang de Volpi ne fit qu'un tour. Il secoua l'homme par la manche de son pourpoint. « Vous n'êtes pas un peu fadade vous déguiser ainsi ?» Vous croyez que ça amuse les enfants? Mes pauvres tarés, vous les terrorisez, les gosses, avec cette dégaine. Je vous interdis, je vous l'interdis bien, vous m'entendez, de paraître ainsi devant le moindre gamin. Foutez-moi le camp de l'hosto, ou alors allez-vous changer. L'homme fut tellement surpris par l'algarade qu'il en tremblait. Il en resta muet, et Volpi vérifia qu'il sortait bien de l'hôpital. Dans la voiture, il prit conscience que dans chaque enquête, il y avait un fil rouge qui n'avait souvent rien à voir avec le reste. C'était Polichinelle qui avait résolu l'enquête et qui l'avait conclue. Sonia fut incinérée et ses cendres transportées au cimetière de Barle. Volpi n'avait jamais ressenti avec autant d'acuité la pertinence de la maxime « Tu n'es que poussière et tu redeviendras poussière ». Quelque temps plus tard, le notaire ouvrit la succession de Sonia Barle. Magali eut la douloureuse surprise d'apprendre que Sonia lui avait légué la grange et tout ce qu'elle contenait. Épilogue. Retour sur la terrasse de chez Volpi de nos jours. Voici donc l'enquête que venait de me conter Volpi. Bien évidemment, j'ai romancé le récit afin de le rendre moins abrupt et de densifier les personnages en fouillant un peu leur psychologie. Quoi qu'il en soit, après cette histoire sur le moment, certaines questions nous brûlaient les lèvres, Pardo et moi. Est-ce que tu éprouves toujours la phobie des polichinelles ? Demandai-je. Eh bien oui, avoua Volpi. Figure-toi que quand Lisa était petite, je lui avais offert un petit théâtre de marionnettes pour exorciser le démon avec une sorcière, un loup, un guignol et deux ou trois personnages dont un polichinelle. Avec Gilda, on lui donnait de petites représentations. Eh bien, tu ne vas pas me croire, mais je n'ai jamais pu enfiler la marionnette du polichinelle. Même quand elles étaient dans leur panier à moitié pliées, j'avais l'impression que les marionnettes étaient vivantes et seulement endormies. Je suis persuadé qu'il y a dedans un peu de l'âme de celui qui les a façonnées. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Cita Serge en plaisantant. C'est grave, docteur, renchérit Pardo. Ne riez pas, bande de niailles ! Mais ne comptez pas sur moi pour aller me faire psychanalyser. Une autre question me taraudait l'esprit. Cette Magali que Volpi venait de me faire découvrir, il n'en avait jamais parlé auparavant. Et Magali, tu l'as revue ? Oui, dans un colloque de chef d'entreprise dont je coordonnais la sécurité. Un de ses clients l'a complètement envoûté tant par son charme que par sa fortune. Ils se sont mariés et ont fondé ensemble une chaîne franchisée de jardinerie. Son mari mort, c'est elle qui est maintenant à la tête de ce qu'est devenu une grande multinationale. Et elle ne t'a même pas calculé, je parie, ironisa Michaud. Que non, au contraire. On s'est revus, en toute amitié. Nous avons rêvé un moment ensemble. Mais pas un mot de tout ça, Gilda. Sinon je descends directement sur le trottoir en passant par le balcon. N'empêche, ajouta Michaud, que cette affaire nous a laissé un goût amer. J'aurais presque préféré que nous ne découvrions jamais l'assassin. J'essaie de comprendre pourquoi cette enquête nous avait fait cet effet. Comme te l'a dit Gino, tout était à l'envers. La lesbienne n'en était pas une vraie. Elle a été assassin par accident. Nous avions fini par considérer les protagonistes comme de vieilles connaissances, si bien que quand Sonia est morte, nous en sommes restés un peu désabusés. Rien à voir avec les affaires habituelles de malfrats où souvent on regrette de ne pas les avoir tués nous-mêmes. Il y eut un blanc dans la conversation. Je sentais que Gino et Serge étaient gênés. Je conclus. Allez les gars, mettez tout ça sur le compte de la nostalgie. Vous vieillissez, et c'est surtout ça qui vous tracasse. Votre passé fout le camp à vitesse grand B. Le mien aussi, d'ailleurs. Ainsi s'achève, trois petits tours et puis s'en vont, une enquête du commissaire Gino Volpi par Jean Darrigue.